pas BD. Et maintenant que c'est plus vrai, qu'ils doivent épargner ici, épargner là, maintenant ils disent, non, on ne veut pas de ça. Alors ils ne vont jamais rembourser cet argent, plus jamais, comment ils vont le faire? C'est comme la valeur. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas de gouvernement. Hein? Ça fait des grèves, ça fait tout, mais ça ne travaille pas. Ça peut pas aller. Ça marche pas. Oui, ben Albert, il est là. Ouais. Il dit à tout le monde. Ouais. Il n'a pas le courage. Et puis, chez eux, c'est français, c'est wallon et c'est flamand. Et ça, c'est la merde. Il faut une langue, après c'est tout. Les wallons, ils disent, nous, on a le droit à ça. Les flamands, ils disent, ah non, attention, hein, ça, c'est à nous. Hein. Parce que, une fois, la première fois qu'on était en Belgique faire des vacances, on s'est trompé de route. Oh, il y a une dame là, je vais la demander. Bon, ma vie s'arrête, tu veux bien gentiment chez la dame. J'ai dit, écoutez, madame, on s'est trompé, vous pouvez me dire la route. Elle s'est retournée comme ça, elle regardait le bon Dieu. Oh là là, bon.